Cours numéro 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fi darsina al-akhir, on a commencé ensemble, walillahi alhamdu walil, minna une risala, la lecture d'un livre très très important, Tuhfatul Ikhwan, bima ja'a fi al-mualati wal-mu'adati wal-hub wal-bughd wal-hujran. Li fadilat al-shaykh al-allama Hamoud ibn Abdullah al-Tawajiri rahmatullah alayhi. Et taqaddama ma'ana dans le dars précédent. بعض الاخوان احيانا يدمون sur les dorous qu'on fait en direct, quand est-ce qu'ils sont propagés? Inch'Allah, ça demande bien sûr du temps, ça demande des choses. Ça tombe sur بإذن الله عز وجل. Et كذلك on fait des autres dorous, donc on peut pas tout propager en même temps, ça ferait trop. Et كذلك ceux qui entendent, ça les perturberait. واحد va commencer ce livre, il va pas finir هذا. فلهذا on essaye d'avoir un ordre. Et كذلك les capacités, les ناس, ça demande du temps. فعلى كل حال dans la مقدمه on a cité l'importance de ce sujet. أي الولاء والبراء الحب في الله والبغض في الله. Et كذلك المؤلف رحمه الله il a cité dans l'introduction pourquoi il a écrit ce livre. Sur ce sujet bien précis, aimer pour Allah, détester pour Allah, détester les kuffars. Et كذلك يأتي معنا باب sur أهل البدع, un باب sur les فساق. Ce باب il est très très important. لماذا؟ لأنه on vient à une époque, l'époque de Cheikh Hamoud Tawajiri rahimahullah, et encore pire à notre époque, quelques années après, أن هذا الأصل il est محارب من كل جهة. الكفار bien sûr, ils combattent ce fondement avec la démocratie, la laïcité, etc. Et Ahlul Bida, ils le combattent avec des choubah et At-Tamyi'. Et pour écarter le muslimin de ce point, لماذا؟ لأن المبتدع, il sait très bien que si tu acceptes ce point, tu vas le hajar fi sabilillah. Et tu vas le détester par rapport à son égarement, grâce à ce point. Ils font tout pour nous écarter min hadha al-bab. Et chaque musulman, comme on l'a cité, il doit donner du temps. Ça fait partie des fondements de notre dîn. La langue arabe, c'est tayyib, et c'est très important. L'apprentissage par cœur, c'est tayyib, et c'est très très important. Lakin ahammu min dhalik, c'est connaître ta aqid, akhil karim. Si tu meurs et tu n'as pas appris le Coran par cœur, tu n'es pas un égaré, walillahi alhamd. Comme min ahli sunnah, ils ne connaissent pas le Coran par cœur. Si tu meurs et tu ne maîtrises pas totalement la langue arabe, alhamdulillah, tu n'es pas un égaré. Comme min ahli sunnah, et c'est des non-arabophones, ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Mais si tu meurs et tu ne connais pas ta aqida, ou iyadam billah, des ambiguïtés qui contredisent la croyance des salafs, c'est très très grave. Donc on commence par les priorités. Certains de ce genre de livres qui sont abordables, qui sont très très courts, et comme nous, une demi-heure, trois fois par semaine, c'est un khair azim. Et alhamdulillah, après l'insan, demain il peut hafad, demain il peut apprendre l'arabe, après demain كذلك. Hada, c'est le résumé de notre dars précédent. Qala rahimahullah faslun, le premier chapitre. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة أعدائه في مواضع كثيرة من القرآن وأخبر أن موالاتهم تنافي الإيمان بالله عز وجل. On a déjà expliqué في الواجبات ولله الحمد dans d'autres livres c'était quoi الولاء et c'était quoi البراء. فيجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين ويعادي ويتبرى من الكافرين. Et c'est la base de cette risale. On peut simplifier هنا أن الولاء c'est الحب والقرب. توالي المؤمن أي تلام et tu le rapproches. فهذه الولاية لا يجوز لكافر أبدا. Le fait de l'aimer. Et cet amour ça va impliquer le fait de le rapprocher. فلهذا قال رحمه الله وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة أعدائه أي لزلمي الله سبحانه وتعالى. Vous avez remarqué que هنا il a pas dit الكفار, il a pas dit les juifs, il a pas dit les chrétiens, il a dit أعداء الله سبحانه وتعالى. Ça englobe لزلمي الله سبحانه وتعالى. الكفار أو الذين ينتسبون إلى الإسلام أو أهل البدع والضلال qui combattent الحق. فهؤلاء لا يجوز موالاته. Mais bien sûr, chacun par rapport à son égarement. Al-Mubtadi', si ça reste un muslim, ça ne sera pas bara'atun tamma. Ça reste un muslim, lakin il y aura un nou' min al-bara'a, incha'Allah, qu'on détaillera tout au long de ce livre. فقال عن موالاة أعدائه في مواضع كثيرة من القرآن وأخبر أن موالاتهم تنافي الإيمان فهذه الولاية الموالاة فسي كو بور المؤمن. On répète, tu peux la traduire ou l'expliquer en deux mots. القرب والمحبة. البراءة c'est le contraire, c'est البغض والابتعاد. C'est pour ça que dans ce livre il va parler de الهجر. Al-Hajr, c'est lié à Al-Wala ou Al-Bara. Al-Hajr, c'est le fruit. Al-Hajr, c'est délaisser, ne pas fréquenter, ne pas passer le salam. C'est lié à Al-Mahabba ou à Al-Bourd. C'est lié à Al-Wala ou Al-Bara. Fa'ala kulli hal, yajibu alayna an nuhib al-mu'minin wa nubghid al-kafirin. Nubghid a'da Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est wajib ala jami' al-muslimin. Et Huna, dans ce fasl qu'on va lire aujourd'hui, ou la première partie, il a cité plusieurs versets du Coran al-Karim. Qala fi mawadi' kathira min al-Quran. Et il a cité une quinzaine de versets qu'on lira ensemble avec une explication tayyiba. Inch'Allah. Qala wa akhbara anna mualatihim tunafi l'iman billah. On verra al-hukm. Huna qala rahimahullah tunafi, ça contredit, ça annule al-iman billah. Le fait d'aimer, de rapprocher, d'aider Al-Kuffar contre le muslimin, tout ça, ça annule l'islam. Et on a détaillé ce point, walillahi alhamd, fi nawaqid al-islam. Et on résumera à la fin du dors, inshallah. Qala tunafi al-iman billah wa kutubahu wa rusulahu wal yawm al-akhir wa annaha sababun lil fitna wal fasad fil ard. Al fitna wal fasad, le désordre. Et les vitaines, une des causes, c'est le fait de vouloir s'allier aux kuffar. Ayyadam billah. Et les aimer, les rapprocher. Et en même temps, détester les mu'minin. Détester l'islam. C'est ça qui cause al-fitna wal-fasad fil ard. Qala wa anna man walahum wa wadahum falaysa min Allahi fi shay. Wa annahu min al-zalimin al-zalin an sawa'i s-sabil. Wa annahu مستوجب لسخط الله أي ولاية الكافرين قال وأليم عقابه في الآخرة والآيات في هذا كثيرة. Donc il a cité plusieurs choses, plusieurs éléments هنا qui va détailler avec des versets du Coran الكريم. فقال رحمه الله فليس من الله في الشيء. الله يتبرأ من الكافرين. الله يدتس الكافرين. غضب عليهم لعنهم. Il les a écartés, il les a éloignés, subhanahu wa ta'ala. فنحن, on n'a pas le droit d'aimer une personne que Allah déteste. On n'a pas le droit d'aimer une croyance que Allah déteste. On n'a pas le droit de rapprocher quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala il a écarté. On n'a pas le droit maintenant de demander la miséricorde à quelqu'un que Allah il a maudit tant qu'il est à la couvrir, tant qu'il n'a pas fait de tawbah. On n'a pas le droit. قال وأنه من الظالمين الضالين عن سواء السبيل. Comme on va voir dans les versets. الظالم, c'est ça la véritable injustice. Vous avez remarqué que quand on parle d'injustice في هذا الزمن الذي كثر فيه التمييع أن كثيرا من الناس, quand ils parlent de ظلم, ils pensent que ظلم, faut pas être injuste envers les autres, faut pas voler, faut pas mentir, il a arrêté, et ça c'est حق. لكن il y a un ظلم qui est encore plus grave, c'est هذا الظلم موالات الكافرين المشركين. C'est un ظلم عظيم. لماذا؟ لأن هؤلاء دي مشركون. وقال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. Et le fait de les aimer, de s'entraider avec eux على كفرهم وفي كفرهم, فلا شك أن c'est من أكبر الظلم. لكن à notre époque الآن, كثير من الناس ne mettent plus en garde contre ce ظلم. Ils parlent que de l'injustice. Et vous avez remarqué que les prêcheurs qui sont fait bilal de kufr et qui n'ont pas compris hadal asl ou qui le contredisent à cause de leur passion, alors ils parlent beaucoup de ne pas être injuste envers les kuffars. Et c'est haq. Il ne faut pas être injuste envers les kuffars. Lakin, il ne faut pas être injuste envers nous-mêmes, kadhalik, en aimant les kuffars. En appelant à la tolérance ou au respect de leur kufr. Là, on ne respecte pas leur kufr, on le déteste leur kufr. et on met en garde contre le kufr. Léna, si tu tolères leurs principes, leurs croyances, tu ne peux plus mettre en garde. Comment tu vas mettre en garde contre une chose que tu tolères? La tolérance, c'est accepter. Non, on n'accepte pas. Billah alaykoum, est-ce qu'un musulman il va accepter la croyance que Allah il a un enfant? Iyadan billah. Ou la croyance que dinullah subhanahu wa ta'ala, c'est pas obligé de le suivre. Ou la croyance qu'on est libre de choisir la croyance qu'on veut. Cette tolérance, c'est du kufr. Il y en a accepté le kufr, c'est du kufr, iyadan billah. Kama taqaddam ma'ana fi nawaqid al-islam. Le sujet, il est très très important. Et Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il a cité des versets du Coran al-Karim. Summa des hadiths du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam, pour te montrer anna hadha al-kalam. C'est pas kalam Cheikh Hamoud, fil haqiqa, rahimahullah. C'est pas comme certains disent kalam al-Wahhabiyya. Cheikh Mohammed, rahmatullah alayhi. Mohammed ibn Abdel Wahhab. Dans ses livres, il a beaucoup insisté sur ces points. Ou A'immat al-Da'wa al-Najdiya, dans Durar al-Saniya, ils ont récapitulé leur aqwa, ils insistent beaucoup sur ce point. C'est pas leur qawl. Tu trouveras Cheikh l'Islam al-Taymiyyah, rahimahullah, il insiste beaucoup sur ce qawl. C'est pas son qawl, fil haqiqa, c'est pas un avis. Là, c'est dinullah, subhanahu wa ta'ala. Isma, ba'd hadhi al-ayat. Qala al-oula minha, qawlullahi ta'ala, ya ayyuha al-lazina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Ce verset, c'est un verset عظيم. Ça nous montre أن le fait qu'on ne doit pas les aimer. قال عز وجل تلقون إليهم بالمودة. مودة c'est المحبة. Pourquoi est-ce qu'on doit les détester? Parce qu'ils ont été injustes envers nous, ou parce qu'ils nous manquent de respect, ou parce qu'ils nous insultent, ou parce qu'ils ont pris notre terre? أبدا. قال عز وجل وقد كفروا بما جاءكم من الحق. C'est ça, al-mizan al-asli. Si quelqu'un croit à la même croyance que toi, Coran, Sunna, il croit au messager, il aime l'islam, c'est ton frère fait digne. Si quelqu'un ne croit pas en ces points, c'est un adou min a'da illa azza wa jalla. Qala subhana ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum. Hadha al-adou, l'ennemi, huna, il est expliqué par qawlullah azza wa jalla wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq. C'est ça, notre ennemi de l'islam. Pardon, quand tu dis Al-Yahoud ou Al-Nasara, c'est des ennemis de l'islam, ils pensent directement à tu vas être injuste envers lui, tu vas le tuer. Ou il te dit, Lakin, il ne nous a rien fait. Pourquoi tu dis que c'est un ennemi? Il nous respecte, il nous dit bonjour. C'est un ennemi fi aqidatina. Yirahmakullah. Lakin, pardon, ils ne comprennent pas le Coran. Et pardon, c'est encore plus grave, ils ne veulent pas le comprendre. رحمك الله قال إلى قوله تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فقد ضل سواء السبيل c'est de l'égarement. فلهذا tous ceux qui appellent à aimer al-kafar ou se rassembler avec eux ou à unifier les religions ou à être tolérant envers leurs croyants ou à accepter la liberté, le fait qu'on choisisse notre dîn, فَهَاُولَا ظَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Qui qu'elle soit, cette personne, quelle qu'elle soit cette personne, quelle que soit son origine, c'est un munharif, c'est un ظَل. لِمَنْذَا لِأَنَّ en tant que mu'minun, notre base, c'est هذا القرآن. Je peux me tromper, tu peux te tromper, لَكِنْ كَلَمُ اللَّهِ c'est حَقْ. Et si on diverge, إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ils vont nous accuser, nous, s'ils entendent Adel Kalam, d'intégristes, de radicalistes. Al-Kuffar, ils accusent, ils ont déjà accusé, ils accuseront. Ou Alhamdulillah, la Nubali, c'est des Kavara. Et Al-Muslim, vu que c'est un Muslim, s'il accuse entre lui et nous, هذه الآيات. C'est ces versets qui tranchent. Et Inch'Allah, le résumé qu'on fera sur Al-Mualat Al-Kuffar, on reviendra à ce verset. Il y en a هذه الآية لها سبب. Elle a un سبب pourquoi Allah سبحانه وتعالى l'a révélé. قال ثم حث تبارك وتعالى عباده المؤمنين على متابعة خليله إبراهيم والتأسي به وبمن آمن معه صلى الله عليه وسلم. Allah سبحانه وتعالى il nous a ordonné de suivre le prophète Ibrahim. خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام والتأسي به le prendre comme modèle. Le prendre comme modèle, fimada, comme modèle ou pour modèle, dans quoi? Qala, wa biman amana ma'ahu fi musaramatihim li a'da'illah. Al-musarama, ay al-muqata'a. Musaramatu al-adu ay muqata'atu, ay le fait de couper les liens. C'est ça, al-musarama. On doit suivre Ibrahim wa alladhina amanu ma'a fi musaramatihim li'a'da'illah, ay muqata'atihim. Ils ont hajar les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'a'da'illahi ta'ala wa tabarri minhum wa mimma ya'buduna min dunillah. At-tabarri, ça vient du mot al-bara'a, c'est le fait de détester, s'écarter, se désavouer d'une chose. Enfin, ce mot, il est très très important. Qala wa mimma ya'buduna min dunillahi ta'ala wa idhhar al-adawati lahum wal-baghda ma damu 'ala al-kufr billah. Plusieurs choses il a cité, rahmatullah alayhi, Cheikh Touijri, en se basant sur ce verset. فقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ça, c'est un verset, il est azim. Et c'est un asl, c'est une base dont, pour comprendre ce sujet. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Qala azza wa jal, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'a. Ay al ladina amanu ma'a. Qawluhu uswatun ay qudwa, un exemple, un modèle. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Karim, il nous informe que Ibrahim et les gens qui croyaient, les croyants de son époque, c'est des modèles pour nous. Fimada, qala azza wa jal, if qalu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un exemple dans quoi on doit les prendre comme modèle. Id qalu li qawmihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Ça, c'est la première chose. Et ta'ammal huna, une fa'ida azima, al-ulama, ulama al-tafsir yathkurunaha, et ulama al-aqida wa taqaddamat ma'ana, أن الله سبحانه وتعالى قال إذ قالوا لقومهم حال إبراهيم ومن معه ils ont dit à leur peuple. Ça montre que tu dois le montrer, هذه البراءة, هذا أولا, tu dois la montrer. إذ قالوا لقومهم, bien sûr si ça implique pas un mal, mais si tu montres que tu les détestes إلى آخره et ils te font du mal, ففي هذا الحال Cheikh Hamoud رحمة الله عليه il a cité comment faire. سيأتي معنا في هذه الرسالة. لكن la base إذ قالوا, donc on montre qu'on les déteste, qu'on se désavoue de إلى آخره, منكم ومما تعبدون. فهنا بعض العلماء يقولون أن الله سبحانه وتعالى il a cité البراءة من المشرك من الكافر avant الشرك والكفر. Et ça, c'est très très important. لماذا؟ لأن on vit à une époque أن بعض الجهال qui n'ont pas étudié العلم, qui donnent pas d'importance à ce sujet. Comme on l'a expliqué dans le cours précédent dans l'introduction, il ne donne pas d'importance à ce sujet. Il y en a ce sujet, il fera que beaucoup de gens te délaisseront. Il fera que les ennemis d'Allah, min Yahoud, wa Nasara, les Juifs, les Chrétiens, et jami' al-Kuffar, ils te détesteront. Si tu les détestes, ils te détesteront encore plus. Et ils t'accuseront, et la akhira. Fawadunnes, qu'est-ce qu'ils essayent de faire croire? De différencier entre le kufr ou le kafr. Entre le shirk ou le mushrik. Il dit, non, on déteste, nous, la croyance des Juifs. Ils ont accusé en Allah subhanahu wa ta'ala yaduhu maghloula. Et le Nasara, ils disent qu'Allah il a un fils, et yadam billah al-yahoud kadalik. Moi, beaucoup d'égarements, ils disent hada sana'am. Lakin, quand tu lui parles du juif et du chrétien, il te dit là, c'est un être humain. Il faut le respecter, il faut tolérer. Il a fait un choix, il a akhir. Qala azza wa jal, on répète. Et qalu li qawmihim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Fatatabarra min al-kafir wa min kufrih, les deux. Et on répète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité la personne avant al-kufr wa shirk. Wa illa fa se désavouer du kufr et du shirk sans la personne, ayna al-fa'ida. Ça veut dire que tu vas aimer une personne, te rapprocher d'une personne qui a cette croyance que tu détestes. Ça se contredit. Amma al-aqil la, s'il déteste une chose et une personne elle fait cette chose et elle ne veut pas revenir, il va détester la personne. Il y en a cette chose qui est faite, elle est faite par une personne, elle ne s'est pas faite toute seule. Fahada, fa qawluhu. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تأمل قوله من دون الله. Ça répond à une autre شبهة. بعض الناس مثلا يدفرنسي entre اليهود والنصارى. Ils disent il faut détester les juifs. Comme on l'a cité dans l'introduction, l'introduction en fait, elle était importante. Il y en a, on a essayé de clarifier des choses qui vont nous aider tout le long de la risala. Ils disent qu'il faut détester les juifs. Pourquoi les Anaoum sont injustes envers nos frères palestiniens et la akhri? Et ça, c'est haq. Mais ce n'est pas la cause principale. Là, on les déteste. Pourquoi? Parce que c'est des koufars. Ils disent maintenant, les chrétiens, ce n'est pas comme les juifs. Mais les ils appellent à aimer certains koufars. Les maintenant, ils différencient entre Ar-Rawafid. Wallahi, ba'dhum, ils sont akfur. Ils sont pires dans la mécréance que les juifs et les chrétiens, comme ils ont démontré les savants de l'islam. Ba'dhum, là. Ils disent les juifs et les chrétiens, là, quel là, Rafidi, c'est un musulman, comment je vais le détester? Là, c'est pas tous ceux qui se disent musulmans qu'on doit aimer. Si c'est un musulman, yu'min billah, wa bil rasoul, il aime sahaba et l'akhiré, on l'aime. Amma, il accuse Aïcha, ayyadan billah, d'avoir fait un énorme péché. Ils disent que Abu Bakr, Omar, Uthman, c'est des koufars. Ils disent que le Coran, il a été falsifié. Ils disent que Jibril, c'est un ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils disent que Sunna c'est une invention. Le Bukhari et le Muslim pour eux c'est des kafars. Ils disent que le Sunna la plupart c'est des kafars. Ils disent que Sahaba tous c'est des kafars sauf 3, 4 ou 5. Ils ne dépassent pas 5. Thumma hada on va dire que c'est un Muslim. Ta'anoun fil Rasul, ta'anoun fil Qur'an, ta'anoun fil Jibril, ta'anoun fil Sahaba, ta'anoun fil Mouminin. Bel ta'anoun fil Allah. Ils font du shirk laylan wa nahara. Ils adorent les tombes là. Ba'dhum ya'taqidoun fil Hussein. Annahu c'est lui qui a tasarraf fil kawm. Et Ali, et كذلك la mère de Hussein, Fatima radiyallahu anha. Tout ça, on va dire, c'est un musulman. Haoula, ils sont akfar min ba'd al-yahoud wa min ba'd al-nasara. Donc, qawluhu azza wa jal, wa mimma ta'budun min dounillah, ça implique tous ceux qui adorent autre qu'Allah. Juifs, chrétiens, rawafid, kafaratul jahmiya, al-quburiyoun, khassatan min qamat alayhim al-hujjah, amma certains juhal. On a déjà expliqué, on ne détaillera pas. Et dans cette lissa-là, et on en profite, on a un tambih muhim, quand on parle de kufr, kuffar et la arrêt, on ne parle pas de personne. L'ulama est différencié entre al-kufr ou al-kafr et bi'ayni. Enfin, par des nains, ils font du kufr, lakin à cause de leur ignorance. Et par des ulama, la yukafirounahum, mais c'est le qawl sahih. Donc, cette risale-là, on parlera de juifs, chrétiens, mushrikoun, il a arrêt, sans viser la personne. Amma al-yahoud ou al-nasara, si c'est un homme, une femme, juif ou chrétien, on dit que c'est un kafir, il n'y a aucun problème. Lakin quand on parle de qubouri ou autre, man intasaba ila l'islam, la nukafirhu bi'ayni illa idha qamat al-hujja, et ça revient à ahlul ilm. Ça, c'est une précision qu'on ne fera pas, on refera pas tout au long de la risale. Fa'ala kulli hal, qala azza wa jalla ta'buduna min dunillah. Et ça nous montre la cause pourquoi on doit les détester. Man abada ghayr Allah. Même s'il est gentil, même s'il nous fait des sourires, même si c'est un voisin, il est patient avec nous, même s'il nous aide, on le déteste. Fillah Azza wa Jal. Et c'est ce point qu'on a détaillé ensemble dans l'introduction. Qala kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawa. Premier hukm, at-takfir. Man kafarahu Allahu wa rasuluhu, on dit que c'est un kafir. Ça c'est le hukm al-am. Amma la personne en elle-même, si les ulama ils disent qu'un tel c'est un kafir, on dit que c'est un kafir. Et les Yahoud ou les Nasara, c'est des koufars, on n'a pas besoin d'attendre un savant. Et le tambih qu'on vient de faire. Donc, awwalan, c'est des koufars. C'est la réponse à une choubha. Ils n'arrivent plus à dire le mot koufar. Pardon, ils n'arrivent plus à le traduire, dire mécréant. Kadir minhum l'an, ils disent c'est un non-musulman. Allah subhanahu wa ta'ala قال kafarna bikum. En rapportant la parole de Ibrahim alayhi salam et ceux qui étaient avec eux, kaffarouhum. Enfin, dire que c'est des kuffars, c'est venu dans le Coran. Inna alladhina kafarou min ahli al-kitab. Allah قال kafarou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme min hadith, il cite le nom kuffar et kuffar. Il n'y a aucun mal. Lakin onduru. Onduru, le fait de faire des concessions et de ne pas apprendre son dîn et avoir peur des kuffars. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout, ça pousse à. Kafir, c'est un kafir, il est où le problème? On a des textes dans le Coran, le Karim. Ils ont le Coran dans leur mosquée, ils le lisent, il a avéré, ils ont peur de dire des choses qui sont dans le Coran. C'est dans le Coran, là, takhaf, les kuffars, ils savent très bien que ce mot, il est dans le Coran. Et wallah, les kuffars, quand tu es clair, ils font moins attention que celui qui n'est pas clair. Il y a des choses, c'est clair. Qala, ta'buduna min dunillah, kafarna bikum. Donc, premier hukm al-takfir, wa bada baynana wa baynakum al-adawa. Deuxième chose, al-adawa. Al-adawa, c'est le fait que quelqu'un, ça soit un adou. Il traduit par l'animosité, la haine. Tu le prends comme ennemi. Donc, c'est un kafir. C'est un ennemi. Wal-barda. Tu le détestes. Ça, c'est un rat de ceux qui disent, pourquoi vous dites, faut détester Al-Kufar. Le verset, il est clair. Si ils disent, ça c'est Ibrahim, on leur répond, قال عز وجل, قد كانت لكم أسوة حسنة. Akhil Karim, la tarda de faire partie de Haoula. Ma'adhun, un musulman, il peut dire, là, non, j'ai pas envie de faire partie de Haoula. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قد كانت لكم, خطاب لجميع المسلمين, hommes et femmes. Arabe, non arabe. Chaque musulman, il est concerné. Vous avez un bel exemple dans Ibrahim. Chaque mu'min, il aime ça. Même les Yahoud et les Nasara, ils prétendent aimer Ibrahim, le suivre, il a agréé. Et nous, on est à haq. Qawluhu, qad kanat lakum uswatun hasanatun Ibrahim, on l'accepte tous, on doit accepter ce qui va après. Ba'danas, ils se sont arrêtés là. Kana, c'est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a dit de détester les kuffars. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est depuis l'époque d'Ibrahim, bel, tous les messagers, ils ont appelé à hada. Qala, wal barda, abada. Ça nous montre que c'est en tout lieu. Et chaque mu'min doit avoir cette aqida, hatta yamut, jusqu'à qu'il meure. Ou, qala azawajal, hatta tu'minu billahi wahda. Tu dois détester les juifs, les chrétiens, jami' al-kuffar, jusqu'à ce que tu meurs, ou, ils font tawbah. Celui qui fait tawbah, ça devient notre frère. C'est un verset azim. Qala Cheikh Hamoud, rahimahullah, wa man lam yata'assa bi Ibrahim al-Khalil, alayhi salatu wa salam, fi musaramati a'da'illahi ta'ala, وإظهار العداوة والبغضاء لهم فله قال نعم والبغضاء لهم فله من سفه النفس بقدر ما ترك من ملة إبراهيم الخليل. On est obligé de suivre Ibrahim والمؤمنون qui était à son époque dans ce point et celui qui ne les suit pas. قال سبحانه وتعالى قال شيخ حمود كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Ça c'est du safah. Ils traduisent par faible d'esprit. Quelqu'un de safi, c'est quelque chose de négatif, quelqu'un de mauvais. Enfin, les mauvais, c'est pas ceux qui détestent les kuffars. Les mauvais, c'est pas as-salafiyun ahl sunna qui donnent de l'importance al-wala wal bara. As-safi, al-khabith, al-ghabi, al-sharir, c'est celui qui suit pas Ibrahim fi hada al-hal. Une da'wa qui est apparue à Naomi, certains juifs, certains chrétiens et certains d'Allah al-Min al-Muslimi, c'est des munafiqoun, iyadun billah, ils appellent à rassembler les religions d'Ibrahim. Ils appellent Abraham, se rassembler sous cet étendard. On est tous des suiveurs d'Abraham, d'Ibrahim. En tant que mu'min, ne fais pas confiance aux juifs et aux chrétiens. Ils vont te faire croire que Ibrahim, la tolérance, le respect, on est tous des frères. Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَدِيثًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe c'était quoi la croyance d'Ibrahim. تَكْفِير لِلْكُفَار وَعَدَاوَ وَبْغُط. Enfin, ces trois choses, si tu aimes vraiment Ibrahim, applique-les. Vous avez remarqué, c'est des a'mal qalbiya. Tu les détestes et tu les prends comme ennemis et tu les kaffres. Et qu'est-ce qu'avec la langue, ça va impliquer des choses avec les membres, comme ça y est, bi-idhnillah. قال الآية الثانية, deuxième verset, قوله تعالى, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سورة الممتحنة. Ce verset kadhalik, il est très très important. قوله عز وجل عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم قال الشاهد ان تولوهم الموالاة اي les prendre comme alliés. ثم الله سبحانه وتعالى il a cité le hukm ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. C'est ça la vraie injustice et la plus grande injustice de les prendre comme alliés. قوله عز وجل الآية قال الشيخ حمود الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فكلام الله سبحانه وتعالى جميل لمن يتأمل ويتدبر. يا أيها الذين آمنوا سانغلوب تولي مؤمنون. Celui qui est croyant, il est concerné. La tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Vous vous rappelez dans la muqaddima, an al-ba'd, ils ont fondé leur amour et leur haine sur leur nefs. Ils détestent certains croyants. Pourquoi? Parce que ce croyant, il a été irrespectueux. Rubbama, il lui a fait quelque chose. Il le déteste plus qu'un kafir. Alors que c'est de l'injustice, là. Là. Tu le détestes dans le point qu'il t'a fait. Ça reste ton frère. Et là, l'apport du pardon, du conseil entre frères, c'est marouf. Pardon, là, il dépasse les limites. Fihad. Tu le trouves avec Yahoudi ou Nasrani. Il te dit, c'est mon voisin. Il est gentil. Mais pardon, il dit, il est mieux qu'un musulman. Pardon, il le dit, c'est mon ami. Le mot ami, ça vient de aimer. Donc, si c'est son ami, c'est qu'il ne le déteste pas. Tu ne peux pas détester un ami, ça n'existe pas. Si c'est un ami, c'est que tu tiens à lui, il a akhiri. Il y a shay min al-bahabba labud. C'est pour ça qu'un musulman, il ne peut pas avoir un ami kafir. Tu trouves, ba'd al-kuffar, ils ont hada. Si ce kafir, il lui fait une injustice, il le déteste. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا أي لا تحبوا لا تنصروا من قوما غضب الله عليهم. Ça revient pas à nous. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala غضب على اليهود والنصارى etc. L'unanimité des savants, des musulmans, على هذا. On a beaucoup de versets et beaucoup de hadith في هذا. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala déteste quelqu'un, fais attention de ne pas l'aimer. قال عز وجل قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الآية الرابعة 4e verset قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Ce verset il est spécifique sur les juifs et les chrétiens, et on avait des versets avant qui montraient que c'était un pour les kuffars. تستفيد. Et on va s'arrêter هنا. On lira les versets suivants, inshallah, la prochaine fois. Tastafid min hadha, pour comprendre hadha al-bab. Pour comprendre hadha al-bab, il faut rassembler al-adilla. Wa'adhanna, s'ils prennent qu'un le verset sur les juifs et les chrétiens, il va dire pourquoi tu parles sur les autres. Allah, il a dit les juifs et les chrétiens. On a un autre verset, qu'al azza wa jal, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ça englobe autre. Donc, notre dîn s'est fondé sur hadha. On ne doit pas prendre tous les versets, on ne doit pas faire comme une personne qui est borne, qui voit que d'un œil, iyadan billah. Qala Sheikh rahimahullah, thumma haddara tabaraka wa ta'ala min muwalatihim bi ablag at-tahdhir wa tawa'ada 'ala dhalika bi ashadd al-wa'id fa qala ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Ay. Ce verset, la suite du verset précédent, min sourate al-ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh Hamoud, c'est pour ça qu'il a cité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le hukm de celui qui les prend comme alliés. Qala azza wa jal, wa man yatawallahum minkum, fa innahum minhum. Celui qui s'allie à eux, il fait partie d'eux. Et c'est un kafir kum. Qala, inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah ne guide pas les injustes. قال الشيخ حمود قال بعض المفسرين فيه زجر شديد عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة. Ça, ça nous montre que la مسألة فيها التفصيل. Ce sujet, celui qui prend les kuffars comme alliés, est-ce que c'est un kafir ام لا? Il y a un tafsil. Bien comprendre c'est quoi al-muwala et bien comprendre ces différentes catégories pour pouvoir savoir quand est-ce que c'est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam, et quand est-ce que c'est pas de la mécréance. قال الشيخ حمود قلت وأقل الأحوال في هذه الآية أنها تقضي تحريم موالاة أعداء الله تعالى. Ça c'est le minimum, on est tous d'accord. Sans rentrer dans le khilaf pour l'instant, la chèque que c'est pas permis de les prendre comme alliés. Ça c'est là le minimum. قال وإن كان ظاهرها يقتضي كفر من تولاهم. ولهذا روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ليتق الله أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر وتلا هذه الآية. هذه المسألة في الحقيقة إن شاء الله هذه المسألة في الحقيقة on l'a détaillé, on l'a expliqué في شرح نواقض الإسلام quand on a étudié avec nos frères الواجبات المتحتمات لشابيت سورة واقد الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى ستة أناقض الثامن الويتشب مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين إلى آخره. Ça, il l'a cité comme annulatif de l'islam. ملخص المسألة لأن c'est important هنا خاصة pour les frères qui n'étaient pas avec nous. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على نواقض الإسلام دروس في شرح نواقض الإسلام التولي على قسمين. Le fait de prendre les kuffars comme alliés, c'est de deux catégories. قال الأول توليهم من أجل دينهم وهذا كفر مخرج من الملة. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله il a cité cette mas'ala dans les annulatifs de l'Islam. Cette catégorie elle fait partie des annulatifs de l'Islam. عيادا بالله واحد يوليهم, il les prend comme alliés, c'est-à-dire il les aide, il les rapproche, il les aime, عيادا بالله, pour leur dire. Il déteste, ça va impliquer qu'il déteste les musulmans. C'est de la mécréance, ça fait sortir de l'islam. Et c'est propagé, iyadun billah, à notre époque. Ba'dhuhum, ils se sont rapprochés des kuffars, les yahoud ou les nazara, et ils font du mal à leurs frères musulmans. Iyadun billah, ils ont des doutes sur leur islam. Ba'dhuhum, ils n'ont même plus le doute, ils sont clairs. Et yuhibbuna mabadi al-kuffar. La démocratie, la laïcité, la khair. Hada la shak, c'est du kuffar. Deuxième catégorie, توليهم من أجل طمع الدنيا مع بعض مع بغض دينهم وهذا محرم وليس بكفر. Tu trouves une catégorie de musulmans, en apparence, ils s'allient avec les kuffars dans certaines choses, lakin ils les détestent. C'est un musulman. Et il a un minimum. Son tawhid, il le pousse à les détester, lakin il espère en se rapprochant d'eux. Il a akhiri, il en a, rappelez-vous, أن الموالاة, c'est quoi? C'est le qurb. هو en se rapprochant d'eux, enfin, il a un nom, mais nom al-muwala, lakin il les déteste. Et son but, c'est quoi? C'est ad-dunya. Il espère de l'argent, il espère, Robama, ils lui ont promis, si tu fais ça, si tu nous dis ça, on te donne telle chose. Enfin, ouais, il a une faiblesse dans ça et il accepte leur argent. Fahada, c'est haram. Et c'est très très grave. Lakin, ça ne fait pas sortir de l'islam. قال الشيخ سليمان, rahmatullah alayhi, في الدرر السنية, وإن كان موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير بالهجر والآداب ونحوه ما يزجر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم فقوله عز وجل ومن يتولاهم منكم فإنه منهم سي c'est pour leur دين عيادا بالله il aime leur دين il déteste l'islam فهو منهم أي سنكافركم سي C'est وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ Et en apparence, il est minhum en apparence, lakin au fond de lui, il les déteste et il fait ça que pour l'argent, enfin ça reste un musulman. C'est ça l'explication de ce verset avec kalam بعض أهل العلم. قال الإمام القيم رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم هذا c'est على قول la première catégorie أي من يتولاهم il aime leur دين il se rapproche d'eux et عيادا بالله يحارب الإسلام والمسلمين هذا لا شك أنه c'est du كفر لأن le verset il est clair لكن si tu as compris les catégories que Cheikh Al-Fawzan حفظه الله وغيره ils ont cité قد يقول قائل Est-ce qu'il y a un délil à la hadith taqsim? C'est important. Ce taqsim, pour l'instant, c'est kalam al-ulama. On n'a pas encore cité de délil. Il faut s'habituer à kalam al-ilm, khasatan via dil masail, da'iman al-délil. Tu trouveras le kalam qu'on a cité, Cheikh Al-Fawzan, il l'a cité en résumé. Il y en a là-bas, c'était des audios. L'ulama, des fois, il ne cite pas de délil, il y en a, il venait de le citer. Ou. Ahyanan, ça vient de nous. On prend le kalam, on le retasser et on cite pas tout. À la kulli hal, huna, c'est muhim de connaître Ad-Dalil. Ad-Dalil, fait le haqiqa, il l'a cité Cheikh Hamoud. Ad-Tawajiri, rahimahullah, c'est le premier verset qu'on a lu aujourd'hui. Au début du fasl. Qala, subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تأملوا أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا il les a appelés croyants alors qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et pour connaître هذا il faut connaître سبب النزول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كان سبب نزول كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة أي سورة الممتحنة le premier verset on vient de le lire الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه et on va pas tout lire on l'avait lu ensemble مع إخواننا على كل حال حاطب رضي الله عنه صحابي جليل et il a assisté à Badr رحمة الله عليه رضي الله عنه enfin صحابي Et quand il a su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait attaquer à Mecca avec les Sahaba radiyallahu anhum, il a envoyé une lettre à certains mushrikoun qui étaient là-bas pour informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ils allaient attaquer Mecca. Fa al-qissa ma'roufa, Allah subhanahu wa ta'ala il a reçu la révélation et il a su et il a envoyé certains Sahaba minhum Ali radiyallahu anhum pour intercepter cette lettre que Hatib l'a envoyée avec une femme, direction Mecca, pour qu'elle la donne à certains mouchriks. Et ils ont trouvé cette femme avec la lettre, et ils l'ont emmenée au prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé Hatib. Il a appelé Hatib pour lui demander. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ مَا هَذَا يَا حَاطِب C'est quoi cette lettre, يَا حَاطِب Ça montre que l'affaire, elle était grave. C'est pour ça que Omar radiyallahu anhu, quand il a entendu hada, il a demandé au prophète alayhi salatu salam, « Ya Rasulullah, utrukni adrib unuq hada al-munafiq. » L'anna le fi'l en apparence, ça a poussé Omar à dire cela. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ma ankar ala Omar. » Là, faqat, Hatib il a demandé du temps. « Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah. » Ne te précipite pas, ya Rasulullah. Écoute ce que j'ai à te dire. إني كنت امرئا من قريش أي j'étais à Mecca et je faisais partie de la tribu de Quraysh comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou plutôt لم أكن من أنفسهم il était à Mecca avec Quraysh لكن il faisait pas partie de la même tribu que قال وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم حاطب الذي أنا j'ai pas les liens que vous avez أنتم et j'ai laissé ma famille à Mecca Mais il leur a montré un tome à Mecca, vous avez des proches, il a akhiré. Enfin, s'ils attaquent Mecca, leurs proches ils vont être en sécurité. Hatib, il a eu peur pour ses proches. فقال رضي الله عنه فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي. C'était ça son but. Ça montre أن Hatib رضي الله عنه il a pas fait هذا كفرا ونفاقا وعداءا contre l'islam et le prophète عليه الصلاة والسلام أبدا صحابي جليل il a assisté à Badr et تعلمون أن ceux qui ont assisté à Badr الله سبحانه وتعالى il leur a pardonné فعلوا ما شئتم et ça nous montre كذلك une faïda عظيمة أن الإنسان il est pas معصوم on n'est pas à l'abri des péchés et des grands péchés لكن الصدق celui qui est sincère et qui reconnaît ses erreurs يتوب فإن شاء الله il est à la خير فتأمل أن حاطب قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ça montre أن الولاية de deux catégories بعضهم ils aident les kuffars ils les informent ils essayent de se rapprocher contre le din et parce qu'ils détestent les musulmans بعضهم pourquoi parce que il y a un profit مثلا حاطب c'était pour protéger sa famille et تعلمون أن الإنسان il a été créé هكذا il pense à sa famille فهو حاطب il voulait que le prophète صلى الله عليه وسلم et sahaba ils attaquent Mecca il voulait reprendre Mecca mais là chaque il allait faire partie de l'Inkin il avait peur pour sa famille Roubama cette attaque ça coûte la vie à sa famille enfin il voulait il a envoyé cette lettre pour informer Kuffar Quraysh et en échange Kuffar Quraysh il met sa famille en sécurité et ils sont prêts à attendre le prophète عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام إنه صدقكم L'importance du sidq. Innahu sadaqakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé annahu il est sadiq. L'anna sidq, c'est min af'al il quloum. Personne ne sait ce qu'il y a dans les cœurs, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, Allah akhbar al nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Umar addi'ani ya Rasulullah fa adrib unuqah. Ça c'est ghirat Umar, l'anna le fi'l il était très très grave. Ça nous montre anna l'action elle peut être très très grave. Lakin l'insan il a une excuse. لكن الإنسان quelque chose l'a poussé à faire cette chose. فلهذا في هذا الحديث في الحقيقة il y a des فوائد. Ne pas se précipiter. Prends pas mal ton frère, ton ami, ton proche, ton mari, ta femme, واحد que tu aimes vraiment, il fait une chose et Les épreuves, ça pousse à faire certaines choses. Si tu ressens qu'il y a du sidq et il a une faiblesse dans certaines choses et il a fait cette chose, on ne se précipite pas. Si ça t'arrive, tu aimerais que les gens ils ne se précipitent pas. فقال عليه الصلاة والسلام إنه شهد بدر et أصحاب بدر ceux qui ont assisté à la bataille c'est tous des croyants et ils sont tous morts à l'islam et ils sont tous fil jannah et il n'y a pas de munafiq parmi eux abadan. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit cette parole pour montrer à Omar أن حاطب c'est un مؤمن et il est à la خير. قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a cité أن الله سبحانه وتعالى il a pardonné à أهل بدر. Et حاطب il est avec eux في بدر. Et الحمد لله انتهت القضية الحديث il est في الصحيحين. Donc هذا ça montre, on revient au verset الآن, قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا. Ça montre أن البعض يحصل منه نوع من موالاة الكفار لكن ça reste des croyants. Si هذا التولي il est pas fait contre الدين et pour secourir الدين de الكفار ففي هذا الحال ça reste une مخالفة une معصية. أما حاطب رضي الله عنه فالصحابي جليل الله lui a pardonné et le prophète صلى الله عليه وسلم il a accepté son عذر. On finit هذا avec un تنبيه أن معاملة الكفار bien sûr غير المحاربين بالإحسان والعدل إلى آخره c'est pas من الموالاة المحرمة. هذا كذلك c'est important. Et في الحقيقة le verset qu'il a cité Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi toujours من سورة المنتحنة. المنتحنة cette سورة c'est un أصل في الولاء والبراء. فcelui qui veut comprendre هذا الأصل lit cette سورة et revient au tafsir de العلماء ستستفيد كثيرا. قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إلى آخره في الحقيقة le verset précédent فيه فوائد عظيمة. Et في الحقيقة كذلك بعضهم ils l'ont pris comme شبهة pour propager l'égarement. قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط. وبعضهم ils ont compris من هذه الآية أن ce qu'on doit détester c'est المحاربين الكفار qui nous font du mal, qui chassent les musulmans de leur demeure et la akhir. C'est pour ça que pardon, ils détestent les juifs par rapport à ce qu'ils font en Palestine. Mais ceux qui ne combattent pas, fela. Ah, la haqiqa, c'est une compréhension, elle est ba'ida. Elle est ba'ida jiddan. Fali hada qal al-hafid ibn Hajar rahimahullah al-bir wa-s-sila wa-l-ihsan la yastalzim al-tahabub wa-t-tawadud al-manhi anhu. Ta'amalu le verset, qal azza wa jal la yanhaakumullah an alladhina lam yuqatilukum. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il vous empêche pas, ay par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu ولم يخرجوكم من دياركم et que vous ont chassé de leur demeure et ceux qui n'ont pas fait هذا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Le mot البر et le mot القسط أي العدل الإحسان. البر الإحسان et القسط العدل. بعضهم ils ont compris de هذا أن on peut les aimer. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ça implique pas هذا. Ça implique pas, tu peux respecter une personne, aider une personne, être correct avec une personne et le détester في الله. C'est exactement ce qu'on fait avec les kuffars. Maintenant, on peut rencontrer un kafir dans la rue. Hein, il a besoin d'une chose, il nous demande la rue. On parle poliment, on lui montre. L'imada, il ne fait pas de mal à l'islam. Belle, ça peut être un bad da'wa azim. Belle, c'est une da'wa. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'avoir ce comportement. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنْ. Amma le bourde qu'il y a dans notre cœur, on les déteste. L'imada, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المنهي قال لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عن في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. On a un autre verset. قال الحافظ فإنها عامة في وقت من قاتل ومن لم يقاتل. L'importance de rassembler l'adil. قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu trouveras pas un croyant qui croit Allah et au jour dernier aimé un kafir. Ça englobe les kuffars qui font du mal aux musulmans et les kuffars qui font pas de mal. Ça englobe tous les kuffars. Donc avec ce verset, on les déteste. Et avec l'autre verset, si nous combattent pas, fala abas. On fait du commerce ma'ahoum, on a un bon comportement ma'ahoum, il a akhir. Khassatan al-aqarib. Et c'est la mas'ala suivante, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a un kalam tayyib fi ahkam ahl al-dhimma, c'est une référence fi hadha al-bab. Ahkam ahl al-dhimma, c'est une référence sur le comportement avec le kuffar, il a akhir. Qala alladhi yaqum alayhi ad-dalil wujub al-infaq وجوب الإنفاق واختلاف الدينان لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. القيم إلى expliquer كذلك أن celui qui a des proches يحسن إليهم بل الإنفاق père, mère, et c'est toi qui leur donnes l'argent, certains s'ils sont fi haja ila akhri, fahada ça n'a rien à voir avec le mouala. Abadan. Bal c'est un bab da'wa azim. Kadalik le bon comportement, kadalik faire du commerce avec eux, et c'est le dernier naql de Cheikh l'Islam, rahimahullah, fi jawaz al-tijara ma'a al-kuffar. Qal yajuz fiha ma yajuz wa mu'amalatan thalihim wa yahrum fiha ma yahrum wa mu'amalatan thalihim. C'est permis de faire le commerce avec les kuffar comme tu fais avec les croyants. Et t'as pas le droit de faire du haram avec les croyants, t'as pas le droit de faire du haram avec les kuffars. C'est la même chose. Lakin, ma'a hada, on les déteste fillah. Limada, li an Allah subhanahu wa ta'ala ghadiba alayhim. Donc c'est pas des choses qui se contredisent. Hada, ces points qu'on voulait signaler, huna, citer, huna, li an al-ba'd, ils ont mélangé via del peuple. Ils ont pas compris asli al-mu'ala, c'est quoi? C'est le qurb, c'est le mahabba, ila akhiri, min ajliddin, amla. Et ils ont tout mélangé. Il commet des injustices au nom de Hada, au nom de ces versets. Les attentats qu'ils font, ce n'est même plus les kuffars, c'est les musulmans. Et maintenant, ils ont tout mélangé. Étudier ce sujet, c'est muhim jiddan. Chacun donne son haq. Être injuste à la kulli hal, ce n'est pas permis. On déteste les kuffars, et on n'est pas injuste. Bel ceux qui ne nous combattent pas, qui ne font pas de mal directement à l'islam avec leurs actions, on les déteste dans nos cœurs et on a un bon comportement. C'est muhim. Et celui qui a des proches, ils ont un haq azim. Et là, on reviendra dans cette risala sur ce point. Naktafi bihada, lianna al-waqt dhahab. Et à partir du prochain cours, Inch'Allah, on finit. On a passé du temps, les madal, il y en a ces versets, c'est la base. Thumma, Inch'Allah, la qira'a, ça ira beaucoup plus vite après. Subhanak, Allahumma, bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.